إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد continue donc toujours dans la série de cours de l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala imam ahl al-sunna wal jama'a et on était donc expliqué par Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala et on est arrivé au chapitre concernant ou qui s'attache à étudier la croyance à Al-Hawd. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, pour que vous sachiez ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le chapitre sur la croyance ou la foi au bassin, ce qu'on appelle Al-Hawd, et on va voir ce que c'est, Inch'Allah, et sa description. Et puis on va faire le chapitre suivant qui est Al-Iman ou bi'adhab al-Qabr, la croyance ou la foi au châtiment de la tombe. Et puis on va faire les questions du cours. Et puis on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc il y a peut-être des frères qui se posent la question, comment ça se fait qu'on a, aujourd'hui on va faire que, pour la deuxième fois, des questions-réponses. Quand je dis questions-réponses, ce n'est pas les miennes évidemment, c'est la traduction des questions que tu as posées à Cheikh Rabi. Mais c'est simple, c'est parce qu'en arabe, on va aujourd'hui terminer à peine le deuxième cours. Parce qu'évidemment, un cours en arabe, il prend deux ou trois fois plus de temps en français. D'accord ? Donc si vous voulez, ce qu'on va finir aujourd'hui, c'est les deux cours de Cheikh Rabi, les deux premiers cours de Cheikh Rabi. D'accord ? Avant de continuer, vous vous souvenez, dans un des cours, on avait parlé de l'wudu mimma massathu an-nar. Vous vous souvenez de ça ou pas? Des ablutions quant au manche qui a été touché par le feu. Et j'avais dit que ce n'était pas un cours dans le fiqh, qu'on n'avait pas le temps de détailler tout ça, mais j'ai posé la question à Cheikh Falah Ismail, et je vous avais dit que parmi les avis, que c'était quoi? Que le hadith était abrogé. Et c'est ce qu'il a dit Cheikh Falah Ismail, d'accord? Par rapport au cours, il y a souvent des frères qui ne sont pas au courant quand il y a cours, etc. La base, c'est qu'il y a cours tous les samedis, jusqu'à preuve du contraire. Et sinon, vous demandez au frère Abdel Halim qui vous donne. Vous lui donnez votre numéro de téléphone. Et alors, tous les samedis, il envoie un message de confirmation. Sinon, vous pouvez vous inscrire sur Twitter via notre site spfbirmingham.com. D'accord? Donc, comme ça, on évite les malentendus. On commence directement, Inch'Allah. Al-Iman ou bil-Hawdi wa sifatuhu. Ou bien wa sifatihi. والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. Donc là on est toujours dans le matin de l'imam Ahmed rahimahullah de Usul Sunna. Et je vous avais dit que chaque fois qu'on dit wa, pourquoi? Parce que c'est un atf. Pourquoi? Parce que les fondements de la Sunna sont. Et puis, on s'attache à étudier fondement par fondement jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à « et ». Donc, fait partie des fondements de la sunna, quoi? Eh bien, la foi au bassin. Retenez le mot en arabe « al-hawd ». Al-hawd avec « dad ». Al-hawd. Et sa description. L'imam Ahmed, car il fasse miséricorde, il a dit « et la croyance au bassin est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aura un bassin le jour du jugement dernier. Sa communauté y viendra y boire. Sa largeur équivaut à sa longueur d'une distance d'un mois. » Ces récipients sont aussi nombreux que les étoiles du ciel, conformément à ce qui a été rapporté comme texte de manière authentique, et ce, de plus d'un aspect. Maintenant, l'explication de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah sur ce passage-là, et il dit « وَالْإِيمَانُ بِالْحَوْضْ » On a parlé de ce livre avec Cheikh Falah Ismail, et il a dit que Cheikh Falah, il a dit le bon mot, c'est pas un sharh. Il a dit c'est des ta'liqat, c'est des simples annotations, parce qu'il a dit si Cheikh Rabi' devait s'asseoir et l'expliquer, hein, ce serait autre chose. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Cheikh Rabi, c'est une petite daura. Il a fait juste des annotations. Et c'est pour ça que je dis que le style, c'est un style parlé, c'est pas un style écrit. Parce que ça a été repris, en fait, des audios de Cheikh Rabi. Wal iman bil hawd, hada min al aqaid allati yajibu an يؤمن بها العبد وقد وردت في الحوض أحاديث بلغت حد التواتر وأنه يعني مسيرته شهر وطوله وعرضه سواء وفي الأحاديث أنه من المدينة إلى صنعاء ومن أيله إلى صنعاء فهو مما أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وقال في شأنه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فهذا من أفضل ما امتن الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمه به في الدنيا والآخرة. Donc Cheikh Rabi, حفظه الله, qu'Allah le préserve, le récompense par le Firdaus A'la, il nous dit: et la croyance au bassin, et la foi au bassin. Ceci fait partie des croyances auxquelles le serviteur est obligé de croire. Des hadiths ont été rapportés au sujet du bassin, al-Hawd, qui sont arrivés au degré de tawatur. Je vous avais dit plusieurs fois dans les cours, ce n'est pas un cours de Moussa al-Hadith, mais je vous donne comme une référence. Si vous savez alors c'est quoi le mutawatir, hein, eh bien, il y a un livre que je vous conseille et qui est un livre qui est pour débutants dans Moussa al-Hadith, c'est « Min atyab al-minah fi ilm al-mustalah ». C'est de qui? De Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidahullah, et si je ne me trompe pas aussi, d'Abd Karim Mourad. Hein? Al-Kul Mourad, c'est un des cheikhs dont Cheikh Falah Ismail nous a parlé, c'est un cheikh qui est indien, qui est décédé, rahimahullah, et il avait presque mémorisé les livres d'Ibn Taymiyyah. C'est quelqu'un qui était très connaisseur des livres d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Hein? Et à l'occasion, c'est peut-être à la fin du cours, je vous raconterai une petite histoire qui est arrivée avec Cheikh Mohamed Amel Jami, quand ils ont été en Inde voir l'établir, etc., hein? Peut-être que certains la connaissent déjà. Eh bien, c'était ce cheikh-là, c'est Abd Karim Mourad. Un cheikh salafi indien, rahimahullah. Et c'est ce livre-là, il fait partie du programme scolaire pour les étudiants à Médine. D'accord ? Min atyab al-minah fi ilm al-mustalah. Pour les frères qui veulent le photocopier ou quoi, moi je l'ai en livre. Hein, les livres qui sont donnés par l'université de Médine, d'accord ? Et donc c'est pour les frères qui le veulent, à la kulli hal. Mais ça c'est un livre de référence dans Moussala al-Hadith et c'est très facilité. C'est vraiment fait pour les débutants. Et là il y a une définition du mutawatir et parmi les différentes sections du mutawatir, etc. Et que sa distance est de la distance d'un mois. Ce hadith il est rapporté par al-Bukhari, numéro 6579. Et sa largeur et sa longueur sont équivalents. Et ça c'est rapporté par Muslim, dans son authentique évidemment, numéro 2300. Et dans les hadiths aussi de Médine à Sana'a, rapporté par Al-Bukhari, numéro 6580, et Muslim, numéro 2303, c'est donc un hadith muttafaqun alayh. Et de Aïla à Sana'a, c'est un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, 6591, et Muslim, 2298. Cheikh, il continue en disant, il fait partie de ce don Allah a accordé comme faveur à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La traduction du sens de la parole d'Allah dit à son sujet, hein, c'est peut-être une sourate qu'on entend souvent et qu'on récite souvent, mais c'est peut-être ça intéressant de connaître son sens. Hein. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli la salat pour ton Seigneur et sacrifie celui qui te est sera certes sans postérité. Et c'est sourate Al-Kawthar, versets 1 à 3. Et Cheikh, il termine ce point-là en disant, ceci fait partie donc des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a accordé comme faveur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis Cheikh, il continue en disant, pour terminer ce chapitre, avant qu'on rentre dans le chapitre qui se consacre à étudier la foi au châtiment de la tombe, il dit, وَرَدَ أَنَّ أُنَاسًا يُطْرَدُونَ عَنْهُ وَهُمُ الْمُرْتَدُّونَ وَيُلْحَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْبِدَعِ أَيْضًا ذكر هذا القرطبي رحمه الله وغيره ونقل ذلك الحافظ ابن حجر عنه أن البخاري قال أن المراد بالذين يدادون عن الحوض ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي قال إنهم أهل الردة وأدخل فيهم غيره أهل البدع لماذا؟ قال لأنهم أحدثوا بعده فأهل البدع أحدثوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا طردوا؟ لأنهم غيروا دين الله وَأَحْدَثُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهَ فَالْحَدِيثُ يَتَنَاوَلُهُمْ. Cheikh Rabi, elle continue son explication en disant, il était rapporté que certains seront chassés du bassin. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ceux-là. Et ce sont les apostats. Et sont joints à eux également les gens de l'innovation, Ahl Bida', les gens de l'innovation religieuse. Al-Qurtubi, rahimahullah, et d'autres ont cité cela. Et Al-Hafid ibn Hajar a rapporté de lui, c'est-à-dire de qui ? Naam. Qu'Al-Bukhari a dit, ce qui est voulu concernant ceux qui seront chassés du bassin. Et le messager dira à leur sujet, mes compagnons. Hein? Et je vous donne la référence de ce hadith-là quand il dit, hein, mes compagnons, c'est le Bukhari 6582 et Muslim 2304. Il dit, le sens de cela est que ce sont les gens de l'apostasie, c'est-à-dire les apostats. Et d'autres que, lui, ont mis avec eux les gens de l'innovation. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, pourquoi? On parle des apostats, puis on dit, yulhaqu bihim ahlul bid'ah. Hein, et on y ajoute, on joint à eux qui? Les gens de l'innovation. Et bien, il répond en disant, il dit, car ils ont innové après lui, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'innovation ont innové après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ont-ils été chassés? Car ils ont changé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et y ont innové ce qui n'en fait pas partie. Le hadith donc les englobe, les comprend. Puis il termine en disant avec cette phrase, وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَوْضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرِيدُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَصِيرَةُ شَهْرٍ آنَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه هذا شيء معروف. Donc Cheikh Rabi' حفظه الله il rapporte la parole de l'imam Ahmed en disant, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a un bassin le jour du jugement dernier auquel viendra boire sa communauté. Sa largeur équivaut à sa longueur et est d'une distance d'un mois. Ses récipients sont aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ça c'est la parole de l'imam Ahmed. Puis Cheikh Rabi' il dit, en or et en argent, من الذهب والفضة, comme cela est rapporté dans l'Authentique de Muslim, numéro 2303, conformément à ce qui a été rapporté comme texte de manière authentique, et ce sous plus d'un aspect, ceci est une chose connue. Et comme je vous ai dit, c'est un livre qui est un livre qu'on considère parmi les livres succincts résumés dans la croyance, et cette explication, on a encore dit que c'était des annotations, c'est pas une explication hein, qu'on peut trouver par exemple par rapport à d'autres complications qui sont plus complètes. Et je me corrige moi-même parce que Cheikh Falah, je vous avais dit, il y avait un certain nombre de cassettes, c'est 29 cassettes. Hein? J'ai été vérifié sur le site et je vous recommande vivement parce que Cheikh, il donne beaucoup de définitions. Par exemple, le premier dars, il donne la définition de c'est quoi la Aqida. Hein? Et de l'importance de lire l'introduction de Cheikh Rabi, il explique toutes des choses vis-à-vis de l'introduction, etc. Il dit qu'ils étaient assis avec Cheikh Ahmed Ansari, rahimahullah, et qu'ils faisaient Fath al-Bari, Shah al-Bukhari. Vous imaginez, vous faites Fath al-Bari avec qui? Avec Cheikh Ahmed Ansari. Rahimahullah. Et Cheikh Falah Ismail, après le deuxième cours, Cheikh Ahmed Ansari leur a dit, hein, ils étaient dans les chaînes de narration, ils parlaient des hommes des chaînes de narration, etc. Et il leur a posé la question, il a dit, il y a quelqu'un d'entre vous qui a lu l'introduction de Fath al-Bari ou pas? Hein? Il dit, il n'y a personne qui a dit oui. Et Ahmed Ansari, rahimahullah, il leur a fait un siha vis-à-vis de ce point-là, il leur a dit, parce que dans l'introduction, il y a beaucoup de mustalahat et beaucoup de jargon, beaucoup de mots qui sont définis, etc. Il y a beaucoup de fawa'id dans le fait de lire les introductions. Et pourquoi il a dit ça à Cheikh Falah Ismail en fait? Parce que l'élève qui lit sur Cheikh Falah Ismail, il n'a pas lu l'introduction. Donc il a dit Nabda bil Muqaddima, et puis il lit la Muqaddima de Cheikh Rabi' Kounou, on a lu déjà ici, et il l'explique. Il explique c'est quoi la Aqida par exemple. C'est important d'avoir des définitions comme ça. Hein? Donc il y a 29 cassettes. Et donc je vous ai dit, pour les frères qui veulent plus de détails, c'est comme ça que l'étudiant en sciences doit être, il y a des livres de référence, par exemple comme quoi dans la Aqida où c'est plus détaillé. Ou peut-être même ce même livre-là, mais avec une explication plus détaillée, ben c'est Al-Wasitiyya, par exemple. Il y a le Sharh d'Ishr al-Fawzan et de beaucoup de savants de Al-Wasitiyya que vous pouvez trouver. Hein? Ou si vous voulez écouter les audios, comme je vous ai dit, qui sont un peu plus détaillés, par exemple, Cheikh Falah Ismail, et aussi Cheikh al-Bukhari qui l'a fait en 10 cassettes. Al-Kulihal, on continue. Il dit, conformément à ce qui a été rapporté comme texte de manière authentique, et ce sous plus d'un aspect. Ceci est une chose connue. Maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre qui est Al-Iman ou bi'adab al-Qabr. La foi au châtiment de la tombe. Wal-Iman ou bi'adab al-Qabr. Wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha. Wa tus'alu 'an al-Iman wal-Islam wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu. Wa ya'tihi munkarun wa nakir kayfa sha'a Allah 'azza wa jall wa kayfa arad wal-Iman bihi wa at-tasdiq bihi. Ça c'est évidemment la parole d'Imam Ahmed rahimahullah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'Allah lui fasse miséricorde, et la foi au châtiment de la tombe, et que cette communauté sera éprouvée dans les tombes et sera questionnée sur Al-Iman, la foi, et Al-Islam, et qui est ton Seigneur et qui est ton prophète. Et viendront Munkar et Nakir, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, et la foi en cela est y croire. Maintenant, l'explication de Cheikh Rabi' de ce chapitre, il dit, والإيمان بعذاب القبر هذا وردت في أحاديث ومن الآيات قوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سورة غافر. ففرعون وقومه وكذلك سائر الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا هذا عذاب البرزخ. ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إلى آية أخرى تفيد هذا. Donc Cheikh Rabi حفظه الله il nous dit et la foi, évidemment c'est la parole d'Imam Ahmed ça, et la foi au châtiment de la tombe. Des hadiths ont été rapportés à ce sujet. Et parmi les versets, celui dont la traduction du sens est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Sourate Ghafir numéro 46. Donc Pharaon et son peuple, ainsi que tous les mécréants, seront exposés au feu matin et soir. Et ceci est le châtiment dans le barzakh. Puis à cela a été ajouté le châtiment du jour dernier. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Ainsi que d'autres versets qui indiquent cela. Puis Cheikh, il va rapporter maintenant des preuves de la sunna. Et il dit, وورد في عذاب القبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير قال بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتير من البول وقع في كبيرة فعذبه الله في البرزخ هذا من الأدلة على أن الناس يعذبون في القبر بذنوبهم. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi', il fait en fait une quoi? Il prouve en fait cette croyance avec des preuves tirées de quoi? Après avoir cité du Coran, il cite des preuves de la Sunna. Et il dit, et il a été rapporté dans les deux authentiques, c'est-à-dire l'authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, concernant le châtiment de la tombe, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils sont tous deux châtiés et ils ne sont pas châtiés pour un grand péché. Des frères qui connaissent le hadith, ils vont déjà se poser une question. Hein? Puis il dit, alayhi salatu wasalam, mais si, cela certes est un grand péché. Comment est-ce qu'on comprend ça? Hein? Qu'est-ce que vous dites? On va écouter ce qu'il dit sur l'Éthiopie, non? Hein? Sur l'Éthiopie, حفظه الله محمد بن آدم الإثيوبي في explication de صحيح مسلم البحر المحيط الثجاج أو الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج il a dit dans son dans volume 7 chapitre de la purification il dit que c'est un résumé en fait parce qu'il parle en long en large de tous les avis il dit قال الجامع عفى الله عنه c'est-à-dire qu'il parle de lui-même جامع هذه الأقوال عفى الله عنه قال لي pardon c'est de la modestie du شيخ جملة هذه الأقوال ثمانية. هذه le nombre de ces paroles ou en général c'est quoi? 8. Il y a 8 avis. وأقواها عندي ما جزم به البغاوي وغيره. Et le plus fort des avis que je vois, comme un, l'a affirmé le Baghawi et d'autres, ورجحه ابن دقيق العيد وغيره, et qu'a jugé le plus fort ابن دقيق العيد, qui est un grand savant aussi et d'autres. وحاصله أنه ليس بكبير عليهما في مشقة الاحتراز. أي كان لا يشق الاحتراز منه وهو عند الله كبير والله تعالى أعلم بالصواب. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et le résumé de ça, c'est que c'est pas quelque chose de grand dans la difficulté de s'en préserver. Alors ils disent, les frères vont dire, mais de quoi il parle ici? Mais on va terminer de traduire le hadith et on va revenir à ça. Parce que c'est quoi le hadith? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Il dit, pas de page. Je répète, il a été rapporté dans les deux authentiques concernant le châtiment de la tombe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes. Vous suivez ou pas? Il passa près de deux tombes alayhi sallallahu alayhi wa sallam et dit ils sont tous deux châtiés et ils ne sont pas châtiés pour un grand péché. Vous suivez ou pas? Puis c'est toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, il dit puis il dit mais si cela certes est un grand péché. L'un d'entre eux c'est ce qu'on appelle al-namima. Dans un instant, on va voir c'est quoi al-namima. Certains traduisent ça par la calomnie. Hein? Moi, je ne pense pas que c'est une traduction correcte. Wallah alam. On va voir c'est quoi la al-namima. Moi, j'ai traduit ça par l'un d'entre eux colportait les dires des gens les uns sur les autres. Kana yamshi bin namima. Tandis que l'autre ne se protégeait pas de l'urine. Kana la yastatiru min al-baul. Il y a plusieurs riwayats sur yastatir, il y a d'autres mots, etc. Et cher l'Éthiopie, il a expliqué ça en détail. Qu'est-ce que ça voulait dire yastatiru min al-baul? Et c'est pour ça que j'ai traduit ça par tandis que l'autre ne se protégeait pas de l'urine. Donc vous suivez ou pas maintenant? Maintenant, je reviens à l'explication de Cheikh l'Éthiopie. C'était deux choses qui n'étaient pas difficiles pour eux de s'en préserver. Alors que c'est Allah, c'est quelque chose de grand. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète Sassi l'a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Sassi? Si vous suivez le hadith ou pas. Au début, il a dit quoi? Hein? D'accord. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Bala. Vous comprenez un peu maintenant? Et Cheikh, il dit de toute façon à la fin, il dit, Allah Ta'ala, a'lamu bis-sawab, et Allah le plus savant de ce qui est juste. Je vous donne la référence pour les frères qui ont le livre à la maison. C'est donc l'explication de Sahih Muslim de Mohammed ibn Adam al-Ethiopie, volume 7, édition Ibn al-Jawzi, et c'est page 305 que je viens de vous lire, en tout cas une partie de la page 305. Maintenant, c'est quoi le namima? Et ça en résumé, parce que sur l'Ethiopie, quand il rentre dans des masailles comme ça, il rentre en long et en large. En résumé, il dit, قال ابن الأثير, et c'est parmi les paroles qu'il cite, et c'est qui ابن الأثير رحمه الله? C'est un grand savant qu'on cite souvent dans nos cours, qui a fait quoi par exemple comme livre? Pour les anciens, là on va commencer un peu à faire des... Je vois des têtes qui se baissent. Ça, c'est le prof qui ressort. Ça, c'est le. Alors. Allez, je vous ai dit, c'est quoi le contraire de Bidaya? An-Nihaya d'Ibn al-Athir. Ça s'appelle An-Nihaya d'Ibn al-Athir. Mais c'est, que c'est là-dedans que je cite souvent. C'est ça, An-Nihaya. Ibn al-Athir fait Gharib al-Hadith. Je vous avais expliqué, c'est un dictionnaire, si vous voulez, des termes un peu difficiles, dans les hadiths, ou qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, etc. Eh bien, ce terme dans le hadith, Ibn al-Athir, dans ce dictionnaire-là, il explique ce qu'il veut dire. Comme salam. Donc, ici, il explique c'est quoi? An-Namima. Qu'est-ce qu'il dit? Et d'ailleurs, la référence en Nihaya, c'est volume 5, page 120. An-Namima, naqlu al-hadithi. Min qawmin ila qawmin. Vous avez compris pourquoi j'ai dit colporté? Donc vous voyez quand on traduit, et ça c'est dans ces hacks que je fais aux frères qui traduisent, c'est que pour les versets ils reviennent au tafsir, et pour les hadiths ils reviennent au charh du hadith. Parce que sinon on tombe dans des traductions littérales qui peuvent être erronées. Il faut traduire par le sens. Et vous comprenez maintenant pourquoi des fois on n'a qu'un cours par semaine. Parce que peut-être des frères, surtout les frères qui ne nous voient pas ici, qui sont sur internet, et des sœurs qui sont sur internet, c'est tout un travail qu'il y a derrière. Qu'Allah fasse que, il accepte ça de, qu'Allah accepte ça de nous. Je veux dire, c'est une amana, ilmiya. Et c'est donc une nasiha qu'on donne aux frères traducteurs et aux sœurs qui traduisent. C'est quoi? C'est d'être précis dans la traduction et de ne pas faire des traductions littérales, mais des traductions par le sens. Regardez qu'est-ce qu'il a dit ici. Naqlul hadithi min qawmin ila qawmin ala jihati l'ifsadi wa shar. C'est quoi? C'est le fait de transporter, si vous voulez. Donc, en français, il y a un mot qu'on dit, on utilise, c'est colporter. Colporter une parole. D'accord? C'est-à-dire, quelqu'un, il dit quelque chose sur quelqu'un, et qu'est-ce que toi, tu fais? Eh bien, tu vas rapporter cette parole à celui sur qui elle a été dite. Donc, tu colportes cette parole-là. D'accord? Naqlu al-hadithi, le fait de rapporter, de colporter une parole de quelqu'un à quelqu'un, ala jihati al-ifsadi wa shar. Et ça, c'est important. De quoi? De manière à causer, la perversion et le mal. C'est ça le namima. D'accord? Et sinon, il parle aussi de namima, d'où ça vient, c'est à la wazn fa'ila, namima, min nam al-rajul al-hadith, namma, min babi qatala wa daraba, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Je vous donne la référence pour ceux qui veulent voir plus en détail. C'est le même volume que je viens de citer, volume 7, Sahih Muslim, et c'est page 306. La dernière, c'était page 305, donc c'est juste la page qui est après. Et c'est concernant la partie du hadith qui dit, ahaduhuma, فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ Hein? Donc, vous voyez le danger de quoi? De An-Namima. Et que c'est une cause de quoi? Du châtiment dans la tombe, Al-Adoubillah, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, on continue. On sait ce que le hadith il veut dire. Cheikh Rabbi, il dit, et il commit un grand péché. Et donc, Allah le châtia dans le barzakh. Ceci fait partie des preuves que les gens seront châtiés dans la tombe en raison de leur péché. Puis il cite encore d'autres preuves de la sunna. Il dit, وَمِنَ حَدِيثُ الْبَرَّ يَعْنِي أَنَهُ يَأْتِهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ وَيَسْأَلَانِهِ فَالْمُؤْمِنُ يَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى كَمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ فَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ. Donc Cheikh Rabi, il continue en disant, et parmi les preuves, le hadith aussi d'Al-Barra. C'est-à-dire que Munkar et Nakir, c'est qui Munkar et Nakir? C'est deux anges qui viendront et tous deux questionneront la personne. Le croyant dira, c'est Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est venu avec les preuves et la guidance, comme cela a été rapporté dans le hadith de Asma. C'est Cheikh qui est dans la référence en fait, comme cela a été rapporté dans le hadith de Asma. Nous avons cru en lui et l'avons suivi. Puis il dit, « Wa hadith al-barra, yus'alu man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk, fa yakulu rabbi Allah. » ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عرفناك. Écoutez, ça c'est important, ya ikhwa. Et l'importance d'assister à ce genre de cours. Et pour les frères qui veulent savoir plus sur ces trois questions, mais dans quel livre ils peuvent trouver cela? Les trois fondements, al-usul talata, qu'on a déjà traduit complètement ici dans cette mosquée avec l'explication de Cheikh Abou El-Jabiri. Pour les frères et les sœurs qui étaient pas là, eh bien, il est disponible sur notre site entier, enregistré. Toute l'explication en français et en arabe, parce qu'on lit toujours l'arabe, de Cheikh Rabi al-Jabiri, et c'est un livre qui répond en fait, en long et en large, à ces trois questions. Hein? C'est la connaissance du Seigneur, la connaissance de la religion, avec les preuves, et puis la connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est des notions fondamentales que chaque musulman ne peut pas ignorer. Fayaqulu, écoutez ça, arafnaka laqad kunta mu'mina, fanim, in kunta, la mu'mina fayuradu alayhi maq'aduhu min an-nar law kana kafira thumma yuqalu 'awwadaka Allahu bi maq'adin fil janna fayaqulu rabbi aqim as-sa'a fayaqulu intadhir. Allahu akbar. Donc la suite de ce hadith, et le hadith d'al-Barra, qu'il sera questionné, qui est ton seigneur? Et qui est ton prophète? Et quelle est ta religion? Il dira, mon Seigneur est Allah. Et ma religion est l'islam. Et mon prophète est Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il dira, hein, nous te connaissions. Tu étais croyant. Dors, car tu étais croyant. Puis, lui sera présenté sa place dans le feu, s'il avait été mécréant. Puis, il sera dit, Allah te l'a remplacé par une place au paradis. Qu'Allah fasse, qu'on fasse partie de ces gens-là. Il dira alors, ô mon Seigneur, fais venir l'heure. Il dira alors, attends. Et maintenant, on va voir le contraire. Wal'adhu billah. Wal kafiru yatihi al malakan fayas'alani. Man rabbuk wa ma dinuk fayaqulu ha, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Tandis que le mécréant, les deux anges viendront et le questionneront. Qui est ton Seigneur? Et quelle est ta religion? Il dira, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai dit. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, numéro 589. Puis Cheikh, il continue en disant, j'ai tout traduit ou pas? J'ai dit quoi, 589, c'est ça, hein? Ouais, c'est faux. C'est 1374, et dans Muslim, numéro 2870 et 2871. Puis Cheikh, il dit une parole importante, et pour montrer la gravité de la chose, il dit, وَنَسْأَلُ اللَّهِ السَّلَامَةِ فَإِنَّهُ يُخَافُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ لأنه لا يعرف معنى الرسالة حق المعرفة ولا يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى ولا يعرف معنى لا إله إلا الله وإنما وجد الناس يقولون شيئا فقاله فليحذر المؤمن ويتدبر كتاب الله وليعد العدة ولهذه الإجابة ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنفع في هذا الامتحان الشديد الشيخ الدي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى الدي nous demandons à Allah qu'il nous préserve car il est à craindre pour beaucoup de gens car ils ne connaissent pas le message de la vraie connaissance, hein, d'une bonne manière. Ils ne savent pas que Mohammed est venu avec les preuves et la guidance. Ils ne savent pas le sens de la ilaha illallah. On a déjà traduit maintes fois le sens de la ilallah. Dans Usul Talata, c'est expliqué en détail. Dans un autre article, ou c'est plutôt un écrit qu'on a fait, c'est Cheikh Mohsen Abbad qu'on a fait le charh de quel hadith? Hadith de Jibril, et c'est même en audio sur notre site. Et un jour, on le fera ici, Inch'Allah, parce que je l'avais fait en Belgique. Mais on le fera ici, Inch'Allah, peut-être dans une dora ou dans une autre occasion. Et c'est quelque chose qu'on peut faire en deux cours. L'explication du hadith de Jibril par Cheikh Al-Masih Al-Abbad. Et donc, ils ne savent pas le sens de la ilaha illallah. Ils n'ont trouvé que les gens qui disent quelque chose, ils l'ont alors aussi dit. Cheikh, il dit, ça c'est nasiha pour nous tous, que le croyant prenne donc garde et qu'il médite le livre d'Allah et qu'il se prépare à cette réponse. Et Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, est venu avec les preuves et la guidance. Nous croyons donc en lui et le suivons. C'est-à-dire que cette foi résulte de la connaissance, de la guidance et de la mise en évidence, de la clarification avec laquelle est venu Mohammed alayhi salatu wassalam, et a été utile dans ce test sévère. Donc vous voyez, il faut apprendre, croire et mettre en application. Puis il continue, yarhamukallah. Wa Rasul alayhi salatu wa salam, on a presque fini le chapitre, après on a les 5 questions du dars et puis on a fini inshallah. Wa Rasul alayhi salatu wa salam yaqul innakum tuftanuna fi quburikum mithl aw qarib min fitnati ad-dajjal. Wa fi at-tashahhud ayda, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min fitnati al-mahya wal-mamat. وأدلة عذاب القبر والبرزخ كثيرة ومنها ما ذكرناه لكم وهو أمر ثابت يؤمن به أهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلده من أهل الضلال. Donc Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il nous dit, حفظه الله تعالى, il dit, et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, vous serez éprouvés dans vos tombes comme aux proches de l'épreuve du Dajjal. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique numéro 86 et Muslim dans son authentique numéro 905. Et dans le tashahhud, c'est quand qu'on dit, on dit cette dua et comment est-ce qu'on l'appelle? Le ulama l'appelle l'isti'ada min al-arba'a. C'est que tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre quatre choses. C'est quoi ces quatre choses? Eh bien, elles sont là dans la dua, elle est là. Allahumma inni a'udubika min 'adhab al-qabr. Voilà, c'est ça le shahid. C'est ça le témoin argumentatif, si vous voulez, pourquoi le shir, il a rapporté cette dua-là, hein, après le teshahoud de fin de prière, d'accord? Eh bien, c'est quoi? C'est que nous cherchons, oh Allah, et on avait expliqué, c'est quoi Allahumma, c'est même plus que oh Allah, hein, comme l'avait dit Cheikh Al-Uthaymeen, c'est comme si tu regroupais tout ton cœur sur dua. Parce que le mim dal al jam'a, on avait cité d'autres sens, et on avait cité des références à la kulihal. Inni a'udu bika min adhab al-qabr. Je cherche refuge auprès de toi contre quoi? Le châtiment de la tombe. Donc est-ce que nous devons croire maintenant au châtiment de la tombe ou pas? Bien sûr. Maintenant ils vont dire, mais pourquoi il y a des gens qui ne croient pas? Eh bien oui, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des sectes qui ne croient pas au châtiment de la tombe. Et parmi les sectes contemporaines, c'est qui? Hizb al-Tahrir. Moi j'ai déjà eu des gens de Hizb al-Tahrir en face de moi et ils ne croient pas au châtiment de la tombe. D'accord? Donc on continue. Et dans le tashahhud, nous disons, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Vous voyez? Contre le châtiment de la tombe et le châtiment de l'enfer et de l'épreuve de la vie et de la mort. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Pour les frères qui ne connaissent pas cette dua, elle est très courte. Et les sœurs aussi, elles peuvent l'étudier très facilement. Ils peuvent le trouver dans Sifat Salah de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, il peut le trouver dans les livres d'Adkar, ou sinon, si vous voulez la référence dans les authentiques, c'est Al-Bukhari numéro 1377 et Muslim numéro 589. Puis Cheikh, il dit, les preuves du châtiment de la tombe et du barzakh sont nombreuses. Parmi elles, celles que nous avons citées. Et c'est une chose qui est authentique et à laquelle croient les gens de la sunna. Et qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Et qui renie les mu'tazilites. Donc vous voyez bien qu'il y a des sectes qui renient cette croyance-là. Et ceux qui les ont imités parmi les gens de l'égarement. Maintenant, il y a peut-être une question intéressante. Les gens vont dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont renié cette croyance? C'est quoi leurs ambiguïtés? Là, on rentre dans le détail, ce n'est pas le sujet du cours ici. On demande qu'Allah nous facilite un jour de faire des cours plus détaillés. Hein, par exemple, de Cheikh Al-Fawzan et d'autres savants ont parlé de ça en détail. Ils ont montré en fait c'est quoi leur choubouhat et sur quoi ils se basent, etc. Et ils ont réfuté leurs ambiguïtés une par une. Qu'Allah récompense les gens de la sunna pour leur effort et leur défense de la sunna. Puis Cheikh, il dit: وَأَنَّ هَذِي الْأُمَّةُ تُفْتَنُوا فِي قُبُورِهَا وَتُسْأَلُوا عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ رَبُّهُ وَمَنْ نَبِيُّهُ وَيَأْتِهِ مُنْكَرْ وَنَكِيرُ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَيْفَ أَرَادَ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ كَيْفَ يَدْخُلُ مُنْكَرْ وَنَكِيرُ فِي الْقَبْرِ. Cheikh, il dit, hafidhahullah, il rapporte la parole de l'imam Ahmed, et que cette communauté est éprouvée dans les tombes et questionnée sur la foi, l'iman, l'islam, et qui est ton seigneur, et qui est ton prophète. Et viendront Munkar et Nakir, on a dit ces deux anges, comme Allah l'a voulu, et avoir la foi en cela et y croire. Retenez cette parole et je vais vous la rappeler dans un instant. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Comme Allah l'a voulu, et quoi après? Et avoir la foi en cela et y croire. Cheikh, il dit, regardez sa question, c'est pour ça que je vous dis que je vais vous rappeler cette parole dans un instant. Comme Allah, quoi, l'a voulu. Regardez ce qu'il dit, Cheikh, ici. Comment Munkar et Nakir rentre dans la tombe? Cheikh, il dit, kayfa yasha Allah. Al-malak yadkhulu fi rahim wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqih wa ajalih wa shaqiyun am sa'id. Wa yadkhulu fi al-qabri wa yas'alu kayfa ma na'lam hada. Ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbara bi dhalika fa ma 'alayka illa al-iman. ومزية المؤمن أفضل مزاياه أنه يؤمن بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فتؤمن بالغيب الذي تضمنه القرآن. وتؤمن بالغيب الذي تضمنته سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله بتبليغ هذا القرآن وبيانه وهذه من جملة البيانات وهذه أحاديث فيها تفصيل الآيات التي دلت على عذاب البرزخ أو النعيم فيه. Donc Cheikh, qu'est-ce qu'il dit, حفظه الله, et avec ça on aura terminé ce chapitre concernant la foi au châtiment de la tombe. Il dit, comment l'ange entre dans la tombe et questionne? Cheikh, il dit, comme Allah le veut. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il a dit quoi? Comme Allah l'a voulu. Et y croire et avoir la foi en cela. L'ange rentre dans la matrice et ordonné quatre choses. D'écrire sa subsistance, rizq, et son temps de vie, et s'il fait partie des heureux ou des malheureux. Et il entre dans la tombe et questionne, comment on ne sait pas cela? Allah le sait et on a informé. Tu ne dois donc que d'y croire. Faut pas commencer à rentrer avec des choubouhad. Oui, mais comment, etc. Mais ma raison, elle appréhende pas cela, etc. Si tu demandes de l'invisible. Si tu demandes de l'invisible, Allah, il l'a dit. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit. Donc, nous, on y croit. Comment? Comme Allah, il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Cheikh, il dit, comment? On ne sait pas cela. Allah le sait. Et en a informé. Tu ne te dois donc que d'y croire. La qualité du croyant. Regardez pourquoi j'ai dit, nous on se doit que d'y croire. La qualité du croyant, la meilleure des qualités du croyant, est qu'il croit en l'invisible. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et il rapporte en fait les premiers versets de Sourate al-Baqarah, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible. Et accomplissent comme il faut la salah. Et vous remarquez ici, le verbe, c'est pas wayusallun, c'est, hein, wayuqimun. Hein, ils accomplissent la salah comme il le faut. Et dépensent, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué, c'est Sourate al-Baqarah, versets 1 à 3. Puis Cheikh, il dit, donc tu crois en l'invisible que contient le Coran, et tu crois en l'invisible que contient la Sunna de Mohammed, à qui Allah a confié la tâche de transmettre ce Coran et de l'expliquer. Ceci fait partie des preuves. Et il y a dans ces hadiths un détail des versets qui indique le châtiment du barzakh ou ses délices. D'accord ? Puis maintenant, il y a les questions du cours. Et quand je dis les questions du cours, bien c'est que dans cette daura-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce colloque, si vous voulez ? Mais cher Rabia, il y a des questions qui lui sont posées à la fin de chaque cours. Ça, c'est le deuxième cours qui se finit. Et donc, cher Rabia, il répond. Il y en a cinq et il répond à ces questions-là. Et elles sont les suivantes. Question du cours. La première question, al-suwal awal, assalamu alaikum wa rahmatullah. أثر عن ابن سيرين وأيوب السختياني رحمهم الله في الابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حتى قراءة القرآن منهم كيف تنزل هذه الآثار على أشرطة أهل البدع والحزبيين فلا تسمع أشرطتهم. C'est quelqu'un qui questionne Cheikh Rabi'i qui lui dit السلام عليكم ورحمة الله. Il a été rapporté d'Ibn Sirin et d'Ayyub al-Sikhtiyani qu'Allah leur fasse miséricorde. À tous deux, c'est qui Mohamed ibn Sirin? Déjà, on devrait d'abord faire une biographie de l'imam Ahmed, une biographie de Cheikh Rabi' pour qu'on situe un peu le niveau de ces gens-là. Hein? Mais c'est qui Mohamed ibn Sirin? Quel tabaka il est? Quel tabi'in? Kibar tabi'in. C'est ce que tu dis en fait. Hein? Kibar, les grands parmi ceux qui ont succédé aux compagnons. Donc là, on parle de quoi? Des premières générations de l'islam. Donc, qui a fait l'éloge? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Mohamed ibn Sirin. Qu'est-ce qu'il a dit, Mohamed ibn Sirin? Une parole très connue que chacun d'entre nous doit connaître par cœur. C'est tellement important, surtout de nos jours. In hadal ilma dinun, fandurun amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion. Faites donc attention. Hein? Ou regardez, si vous voulez, de qui vous prenez votre religion. Si je me souviens bien, elle est dans l'introduction de Sahih Muslim, cette parole-là de Mohamed ibn Sirin. Donc on a dit quoi? Mohamed ibn Sirin et Ayyub al-Sikhtiyani. Encore qui? Un autre? Un autre imam. Parmi les imams de la communauté. Qu'Allah le fasse miséricorde à tous deux. Concernant le fait de s'éloigner des gens de l'innovation et de ne pas les écouter. Et même de ne pas écouter le Coran d'eux. Et vous connaissez tous l'histoire de qui? Hein? C'est qui lequel des deux? Ayyub al-Sikhtiyani, qu'est-ce qui lui est arrivé? En résumé, hein, vraiment en résumé, quoi. Hein? Une personne qui est venue le voir et qui veut demander, est-ce que je peux te dire. Pour que les gens ils entendent pas, hein, c'est quoi? C'est le frère, il dit justement, c'est quelqu'un est venu voir Ayyub al-Sikhtiyani, il lui a dit, je voudrais te lire un verset du Coran. Et cette personne-là, elle faisait partie des gens de l'innovation, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a refusé, il lui a dit, hein, même pas, la moitié, il a mis ses doigts dans ses oreilles, et comment il a, on avait déjà parlé de ce Atharan dans ce cours, en ce sunnah, je me souviens, si, hein, c'est dans ce cours-ci, hein, et que donc il a refusé, et les gens vont dire, mais quoi, même le Coran, hein, et pourquoi il a refusé même le Coran, comment il a justifié ça? Hein, il a dit, j'ai peur qu'il y ait une ambiguïté qui rentre dans mon cœur, et c'est Allah qui détient les cœurs entre eux. Hein? D'accord, vous comprenez un peu ça? Si vous voulez, on peut refaire cette histoire-là en détail, etc., et prendre les fawaïd d'un shir ou quoi vis-à-vis de cette histoire-là, mais c'est pour un peu resituer le, pour savoir de quoi on parle ici. Et donc, de ne pas écouter le Coran 2, comment explique-t-on? Maintenant, on vient à la question, comment applique-t-on ces athars sur les cassettes des gens de l'innovation et des sectaires, al-hizbiyoun? Leurs cassettes ne doivent pas être écoutées. Maintenant, la réponse du Cheikh, cher Rabia. هذا التحذير ما جاء عن ابن سيرين وأيوب فقط جاء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين أئمة الإسلام وينبغي للضعيف أن لا يعرض نفسه للفتن وأن ينأى بنفسه عن أهل البدع. Réponse très claire et très courte de Cheikh Rabia. Il dit, cette mise en garde n'a pas été rapportée uniquement d'Ibn Sirin et d'Ayyub al-Sikhtiyani. Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de son messager, et des compagnons, et des successeurs, et des imams de l'islam. Il convient aux faibles qu'ils n'exposent pas sa personne au trouble, et qu'ils s'éloignent des gens de l'innovation religieuse. Deuxième question posée à Cheikh Rabi', as-su'al thani, hal yuqalu inna ahla as-sunnah wal jama'ati lam yakhtalifu fi usul al-aqidah abada? Deuxième question, peut-on dire que les gens de la sunna et du consensus n'ont jamais divergé en ce qui concerne les fondements de la croyance? La réponse, al-jawab, naqulu as-sahabatu makhtalafu amma ahlu as-sunnah wal jama'a famin afadilihim man waqa'a fi ba'd al-ikhtilafat al-basita allati la tu'athiru على المنهج مثل الإسلام والإيمان شيء واحد أو هما شيئان متغايران وكل له مستنده والصواب أن الإسلام والإيمان شيئان متغايران فالإسلام كما في حديث جبريل يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا عليكم السلام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره إلى آخره بيلي فإن اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع ça c'est une parole qu'on a déjà rapportée dans le charah de Hadith Jibril et Shamas al-Abbad et c'est une règle que Shara al-Thaymin cite souvent aussi donc les ulama ici il dit il y a des choses إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع il y a des termes quand ils sont ensemble ils ont un sens différent mais quand ils sont cités hein? Séparément, eh bien, l'un, il a le sens de l'autre. C'est pour ça, quand ils sont ensemble, ils sont séparés. Et quand ils sont séparés, ils sont ensemble. C'est ça que ça veut dire, cette règle-là. Eh bien, parmi ces exemples, c'est l'islam et l'iman. Quand ils sont ensemble, eh bien, qu'on cite, par exemple, dans un même endroit, l'islam ou l'iman, l'islam, il a quel sens? Répondez, ça vous fait peur, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, hein. Voilà, les actions apparentes, l'amal zahira. Et l'iman, alors, a le sens d'actions intérieures, ou cachées, si vous voulez, l'amal batina. Tandis que si l'islam, il est cité, apparemment, ou l'iman, séparément, ou l'iman est cité séparément, eh bien, c'est la même chose, d'accord? Donc, Cheikh, il dit, j'ai traduit la question, peut-on dire que les gens de la sunna du consensus n'ont jamais divergé en ce qui concerne les fondements de la croyance? La réponse de Cheikh Rabi, nous disons, les compagnons n'ont pas divergé. Tandis que les gens de la sunna du consensus, certains parmi leurs nobles, ont eu des divergences simples, basita, qui n'affectent pas le manhaj, la méthodologie, la voie. Comme, est-ce que l'islam et l'iman sont une même chose ou deux choses différentes? D'accord? Il dit que chacun a quoi? A ses preuves. L'islam, comme cela a été rapporté dans le hadith de Jibril, ce qui est entendu, ce sont les actions apparentes. Et l'iman, ce sont les actions intérieures. L'islam est que tu attestes que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu parachèves la prière, et que tu t'acquittes de l'aumône, légale prescrite, c'est la zakat, et que tu jeûnes le mois de Ramadan. Et que tu fasses le pèlerinage à la Mecque si tu en as la capacité. Et la foi, et l'iman, c'est quoi? Donc vous voyez bien que dans le même hadith, les deux sont cités, ils ont expliqué de manière différente. Et la foi est que tu crois en Allah, et en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers, et jusqu'à la fin hein, de l'explication de l'iman. S'ils sont cités ensemble, ils ont des sens différents, et s'ils sont cités séparément, ils ont quoi? Le même sens. Les divergences sont de ce type et ne font aucun mal, incha'Allah. Troisième question. السؤال الثالث هل يفهم من كلام الإمام أحمد هل يفهم من كلام الإمام أحمد في التبديع الواقع في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجمل حتى يميز قوله ويبينه question qui est intéressante parce qu'elle est liée à notre cours qu'on avait parlé de quoi de ce qu'on appelle al-waqifa, ceux qui s'abstiennent, vous vous souvenez ou pas? Hein? Et bien la question, elle est la suivante. Comprend-on de la part de l'imam Ahmed dans le fait de juger quelqu'un comme étant un innovateur s'il s'abstient concernant le Coran, ce qu'on appelle al-waqif? Qu'on accepte de personne en temps de trouble une parole générale, tant qu'il n'en fait pas la distinction et l'explication. La réponse de Cheikh Rabi, hafidahullah. الجواب والله هذا ليس من الكلام المجمل هذا من الكلام الواضح في البدعة لما يتوقف هذا كلام بين أو شك واضح نعم لكن كان السؤال أحمد بدع في هذا هل نبدع أمثال هؤلاء نعم نبدع أمثال هؤلاء il a tawakkaf qal al Quran makhluq ou ghir makhluq tawakkaf nubaddi'uhu ou la nubaddi'uhu nubaddi'uhu il a tawakkaf wa qal la adri al Quran makhluq ou ghir makhluq mubtadi' lakin al jahil la yubadda' hatta ya'lama fa ya'ba al haqqa. La réponse du Cheikh Rabi' par rapport à ce qu'on appelle al-waqifa, c'est-à-dire quoi? Il dit, moi je ne sais pas, je m'abstiens, est-ce que le Coran, il est créé ou pas? Il dit, par Allah, ceci ne fait pas partie des paroles générales, ceci est une parole claire dans l'innovation. Pourquoi s'abstient-il? Ceci est une parole claire ou un doute clair, mais la question était, Ahmed juge celui comme étant un innovateur? Celui-là comme étant un innovateur, jugeons-nous ceux-là comme étant des innovateurs. Et pour rappeler, pour les frères qui n'étaient pas là ou les sœurs qui n'étaient pas là au cours précédent, on a dit que la croyance correcte vis-à-vis du Coran, que c'est le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on doit dire aussi, et qu'il n'est pas créé. Al-Qur'an ou kalamullah, ghayru makhluq. Le Coran est la parole d'Allah incréée. La parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Donc ça, c'est la parole qu'on doit apprendre nous-mêmes, hein, et qu'on doit croire et qu'on doit enseigner à nos enfants et à nos familles aussi. Cheikh il dit, donc Ahmed juge celui-là comme étant un innovateur. Jugeons-nous ceux-là comme étant des innovateurs? Cheikh Rabi' dit oui, nous jugeons ceux-là comme étant des innovateurs. S'il s'abstient et dit, le Coran est créé ou incréé? Il s'abstient. Jugeons-nous-le comme étant un innovateur ou pas? Oui, nous le jugeons comme étant un innovateur. S'il s'abstient et dit, je ne sais pas si le Coran est créé ou incréé. Qu'est-ce qu'il dit, cher Rabbi? Mubtadi', innovateur. Ah, maintenant, il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, mais celui qui ne sait pas. Ben, la réponse, elle est là. Mais l'ignorant n'est pas jugé comme étant un innovateur, jusqu'à ce qu'il sache et refuse la vérité. Puis, Cheikh, il dit quelque chose de très important aussi. Il dit, الآن هذه الموازين يعني خلخلة تميع. الواحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم يقولون إمام مجدد ما في أخطر على الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يميعون الإسلام ويميعون السلفية إذا هف أحد من أهل السنة لا يرحمونه وإذا وقع الأهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة ما تضر هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصر هذا التلبيس وهذه الحيل توضع مناهج لحماية أهل البدع وكتبهم. Et on va voir c'est quoi manhaj al-muwazanat, parce qu'il n'a pas expliqué le cheikh ici, mais on se doit l'expliquer. Manhaj khatir yudammiru l'islam usulahu wa furu'ah thumma huwa awghalu ma yakunu fil irja fatuda'u al-qawa'id wal-usul li himayati al-bid'i wa ahliha wa tushan al-gharat 'ala ahli as-sunnah bil-batil. Cheikh il dit, ça c'est vraiment très important de comprendre ça, et il dit les balances, ce qu'on appelle mawazin, hein, c'est les choses sur lesquelles on pèse les choses, il dit, les balances sont maintenant ébranlées. Tamir. Tamir, si vous voulez, ça, dans le sens linguistique, c'est quoi? C'est quelque chose, le sens d'une déliquescence de quelque chose, de liquéfier quelque chose. Hein, vous comprenez ce sens-là? Hein? Tamir. C'est fait de la déliquescence de l'islam, la déliquescence de la salafia. Hein? C'est comme une dilution, si vous voulez, comme une, hein? Oui, c'est-à-dire que ça se perd, que, hein? Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le sens que je voudrais que vous gardiez en tête. Et retenez-moi ce mot-là, c'est tamir. D'ailleurs, il y a une cassette très connue de qui? Cheikh Abou El-Jabiri. Jinaït al-Tamir, al-Minhaj al-Salafi. Écoutez-la, elle est très très très importante, cette cassette-là. Dans le Minhaj. En général, souvent quand vous rencontrez un frère dans les pays arabes, etc., qui sont dans le Talab al-Ilm, ou même un frère dans autre que des pays arabes, qui sont dans le Talab al-Ilm, souvent ils ont déjà écouté cette cassette, une cassette de référence. Écoutez-la, le Cheikh Abou El-Jabiri, hafidahullah, pour les frères qui n'ont pas, moi je l'ai. On peut la trouver très facilement sur internet aussi. Jinayat al-Tamir, an al-Manhaj al-Salafi. Le crime du Tamir. Jinayat al-Tamir. Les balances sont maintenant ébranlées. Il dit, Tamir, une déliquescence. Quelqu'un a des dizaines parmi les grandes innovations, et eux, ils disent quoi? C'est un imam revivificateur. Pourquoi Cheikh dit ça? Par rapport à ce qu'on a dit, l'imam Ahmed. Regardez la différence entre la position des salafs et la position de certains qui essayent de quoi? D'avoir cette déliquescence de la salafia, qu'elle se perde en fait. Hein, et de l'islam, aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit, Cheikh. Il dit, il a des dizaines parmi les grandes innovations. Et eux, ils disent quoi? C'est un imam revivificateur. Comme par exemple qui? C'est trop tôt, par exemple. Hein? Quand vous parlez à certains de ces fanatiques, ils disent quoi? C'est un grand imam innovateur. Hein? Alors qu'il a ta'an dans l'NBA, dans certains NBA, ta'an dans certains sahaba, même tekfir de certains sahaba, al-wahdat al-wujud, etc., etc. Hein? D'ailleurs, il y a un cheikh qui s'appelle Abdullah Douish. Vous connaissez Abdullah Douish? Cheikh Falah Ismail nous a dit qu'il est mort assez jeune, d'ailleurs. Cheikh Abdullah Douish. C'est un des premiers, il a réfuté, c'est trop tôt, 15 ans, mon cher Rabia. Il a un livre que j'ai à la maison, pour le frère qui veut peut-être prendre l'édition, etc. Si je me souviens bien, il y a, en tout cas, certainement, il y a plus d'une centaine d'erreurs dans son tafsir du Coran. Que ce cheikh-là, il a. Et Cheikh Falah, il a dit que c'était quelqu'un très jaloux sur la sunna. Hein? Et à cette époque, imaginez-vous, à cette époque, cette Qutb, il était vu par beaucoup comme un imam réificateur. Et à cette époque-là, hein, Cheikh Abdullah Douish, il avait déjà réfuté cette Qutb. Quand il avait vu ses erreurs, la jalousie de la sunna, elle l'a prise, et quoi, il a fait quoi? Il a commencé à réfuter erreur par erreur. Hmm? Si vous voulez le titre, Inch'Allah, rappelez-moi peut-être que... Ils le vendent ici, pas loin, c'est vrai? Okay. C'est pas de pub, mais... Moi, je dis toujours pas loin d'ici. Je sais pas si t'as remarqué dans les cours. Hein? Je dis, se vend pas loin d'ici. Les frères, ils savent. Cheikh, il dit, il n'y a pas plus dangereux pour l'islam que ces catégories qui essaient de diluer l'islam et de diluer la salafia. Mais si quelqu'un parmi les gens de la sunna fait une erreur, ah, ils n'ont pas de miséricorde envers lui. Tandis que c'est les gens de l'innovation, on tombe dans des grandes innovations et immenses innovations qui font périr, qui amènent à la perdition, alors il n'y a pas de mal. Et c'est vrai, subhanallah, vous le voyez souvent. Hein? Ceci fait partie des grands mots qui sont descendus sur les jeunes de cette communauté à notre époque. Cette ambiguïté sur eux sont placées comme des méthodologies, des manages, pour protéger les gens de l'innovation. Et leurs livres, comme la méthodologie ou la voie de Al-Muazanat. Est-ce que quelqu'un sait quoi Al-Muazanat? Vraiment, de manière très résumée, très succincte. Eh bien, c'est quoi? C'est dangereux, regardez. C'est qu'ils disent que quand tu critiques quelqu'un, eh bien, quand tu dis son mal, tu dois aussi dire son bien. Al-Muazanat, comme si tu voulais équilibrer la balance. Tu dis son bien et tu dis son... Hein, tu dis son mal, pardon, et tu dis ou alors aussi son bien. D'accord, tu dis ses erreurs, hein, c'est un égaré, etc. Tu dis ses erreurs, mais tu dis aussi son bien. Hein? Ça, c'est un ménage qui est innové et qui est fait pour protéger les gens d'innovation. Et attention, ils ont des ambiguïtés. Hein? Ils vont te dire, l'imam Dahbi, rahimahullah, dans Sir Alam Nubala. C'est quoi Sir Alam Nubala? C'est les biographies des salaf. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, regarde, il cite des gens, et il dit leur mal, et il dit leur bien. Qu'est-ce que vous répondez? Pour les frères qui sont ici le vendredi avec Abu Khadija, j'étais là ce jour-là, il l'a dit hein, déjà. Al-Ha'iya d'Ibn Abi Daoud, il en a parlé à Abu Khadija. Hein? C'est que ça, c'est dans Tarajum, dans les biographies. Amma dans le Jarh, c'est innové ça. Quand ça revient à la critique, les salafs, ils disaient, hein? Le mal de quelqu'un, il se limite à ça, parce que c'est ça qu'il voulait à ce moment-là. Parce que comme il dit, il dit, si tu dis son bien, il va te dire, jazak Allah khairan. Hein? Vous comprenez ou pas? Parce que ça va diminuer du jarah. Alors que le maqam bayan, tu montres les erreurs de quelqu'un. Hein? Le Cheikh Rabi, il a réfuté cette ambiguïté-là en long et en large. Et tous les mashayikhs, mais parmi ceux qui ont le plus réfuté, c'est qui? C'est Cheikh Rabi, hafidahullah. Il faut étudier ce genre d'ambiguïté-là, dans le sens où connaître la réponse par rapport à ces ambiguïtés-là, parce qu'elles sont très souvent citées. Vous entendez souvent, oui, mais d'accord, mais dis aussi son bien, tu dis aussi son mal, dis aussi son bien. Tu dis non, les salafs, ils n'étaient pas là-dessus. Tu contredis la voix des salafs quand tu dis ça. C'est une méthodologie dangereuse qui démolit l'islam dans ses fondements et dans ses branches. Et c'est ce qu'il y a de plus extrême dans l'irja. Donc des règles et des fondements sont placés pour défendre les innovations et les gens de l'innovation. Et les attaques sont lancées contre les gens de la sunna avec le faux. Pourquoi Cheikh dit ça? Il dit pour qu'on soit... Quoi? Hein? Conscient de ce qui se passe, ya ikhwa wa akhawat. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont inventées, il y a des règles qui sont émises pour défendre les gens d'innovation et les innovations. Qu'on ne soit pas dupes. La salafia, la voix des salafs, la voix des plus prédécesseurs, elle est une. Elle n'est pas deux. Qu'il n'y en a pas un qui vienne vous sortir de nouvelles règles. Quatrième question et avant-dernière question. ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء والقدر؟ الجواب كتب شيخ الإسلام لتيمية ومنها كتاب القدر لابن تيمية وشفاء العليل لابن القيم وكتاب القدر لأبي داود والطحاوية والواسطية إلى آخره. وعندكم البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب القدر ومن كلام السلف مما ذكرناه. كاتخيم كيستيون. Quels sont les livres que vous conseillez à l'étudiant en sciences islamiques d'acheter sur le sujet de la prédestination? La réponse du Cheikh Rabi' c'est les livres des Cheikh al-Islam ou Taymiyyah. Et parmi eux, Al-Qadr. Il y a un livre qui s'appelle Al-Qadr d'Ibn Taymiyyah. Et Shifa al-Alil d'Ibn al-Qayyim. Et Al-Qadr d'Abu Daoud. Et Al-Tahawiyya. Hein, qui est la croyance des gens de la Sunna du consensus, écrit par l'imam Al-Tahawi, rahimahullah, et expliqué notamment par Ibn Abil Izz al-Hanafi. C'est l'explication, la plus connue. Et les mashaykhs, ils ont fait des explications de cette explication-là. Et Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz, ils ont fait des annotations et ça a été édité, ça. Donc, l'explication d'Ibn Abi al-Hanafi, de Tahawiyya, avec les annotations de Cheikh Ibn Baz et Cheikh al-Albani, rahimahumullah, jami'an. Et Al-Wasitiyya, qu'on a déjà cité dans le cours d'aujourd'hui, c'est un livre de qui? D'Ibn Taymiyya. Et d'autres. Et vous avez dans le Bukhari, quoi? Dans l'authentique d'Al-Bukhari, Kitab al-Qadr, le livre de la prédestination. Et dans les paroles des, et dans Muslim aussi, le livre de la prédestination, Kitab al-Qadr. Et dans les paroles des plus prédécesseurs que nous avons cités. Et maintenant, on traduit la cinquième question et on finira là-dessus, inshallah ta'ala. هل الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وقولية? Hier encore, il en a parlé à Boukhadja dans son cours. J'étais là, attention. Hein? Vous êtes censé répondre à les frères qui étaient là hier. C'est quoi la réponse? Les deux, na'am, sahih. Le jawab, ذاتية وقولية. La question, c'était quoi? Est-ce que la parole, il parle de la parole d'Allah Azza wa Jal, bien sûr, est une صفة ذاتية, c'est-à-dire un attribut relatif à son essence? Ou dhatiya et qawliya, attribut relatif à son essence et relatif à la parole, c'est-à-dire à l'acte de parler en fait. D'accord? La réponse c'est dhatiya wa qawliya. Hu yatakallamu ma tasha' wa bima sha' dhatiyatun wa qawliya. Yaqul hal al kalam sifatun dhatiyatun faqat? Al kalam sifatun dhatiya. Huwa qawl al ash'ariyya. Al kalam 'indahum huwa al ma'na al qa'im bil dhat min ghayri harf wa sawt. فقط يقولون الكلام صفة ذاتية لكن يتكلم لا أهل السنة يقولون الكلام صفة ذاتية يقتدر بها على الكلام ويتكلم متى شاء وإذا شاء إلى أي درجة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. On traduit déjà cette partie-là. La réponse est bien que la parole d'Allah Azza wa Jal est un attribut relatif à son essence et à l'acte de parler, hein, à la parole. Il parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Il dit ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est relatif à son essence et à l'acte de parler, à sa parole. Uniquement, ils disent quoi? Il dit, est-ce que la parole est un attribut relatif à son essence? La parole est un attribut relatif à son essence. C'est la parole de qui, cela? Celle-là? Des Ash'a'ira, des Ash'arites. La parole est chez eux le sens qui réside en son essence, sans lettre ni son. Et qui parmi les gens qui ont bien réfuté cette ambiguïté-là, c'est Cheikh Al-Fawzan dans son explication de l'Wasitiyya. Ils disent seulement, la parole est un attribut relatif à son essence. Mais est-ce qu'il parle? Ils vont dire quoi? Non. Tandis que les gens de la Sunna disent quoi? La parole est un attribut inhérent à son essence avec laquelle il peut parler, subhanahu wa ta'ala. Et il parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut, subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à quel degré? Eh bien, verset du Coran, dans la traduction du sens est, dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Surat al-Kahf, verset 109. Voilà l'importance de Hifz al-Qur'an, hein, et du fait de lire Tafsir al-Qur'an aussi. Puis on termine avec la parole de l'imam Ahmed, il dit قولوا l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah fil qadar wa an la yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allamu al-jidal. Min tullab al-ilm al-sighar man yadhhabu wa yunadhiru fil qadar al-rawafida ma' al-jahmiyah ma' al-mu'tazila yunadhiruhum fil qadar yunadhiruhum fi hadhihi al-qadaya. Et je vous assure que j'ai déjà eu le cas des frères qui viennent avec plein de choubouhats et après tu te rends compte qu'en fait lui il a été débattre avec des gens des sectes égarées. Hein? Donc il s'est exposé et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu prends des choubouhats, sans aucun doute. Hein? C'est pour ça que Cheikh va pouvoir faire une nasiha vis-à-vis de ça qui est très très importante. Parce que des fois, on peut croire, hein, quand on peut être dupé par nous-mêmes et avoir un excès de confiance et dire quoi? Non, ça va, c'est bon, je maîtrise le sujet, je vais lui parler. Attention. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, Cheikh Rabia? As-salamatu la ya'diluha shay. Prenez ça comme une qaïda dans votre tête. Salama, la sécurité, rien n'équivaut à la sécurité. Il dit, لا تعرض نفسك للشبهات والضياع لكن العالم المتمكن الذي يعرف أنه ينفع بهذه المناظرة إما ينصر أهل السنة ويقمع أهل الباطل وإما أن يهدي الله هذا الذي يناظره إذا كان طالب هدى يبين له أما أنت الصغير المسكين الضعيف فلا تجادل فأنا أؤكد هذا على طلاب العلم أنك لا تجادل في مثل هذه البدع الغليظة يعني الأمور التي تعرفها وفي حدود طاقتك وتكون هاضما لها من الأمور العادية لا بأس إذا كان ليس الغرض الجدال والغلبة وإنما القصد البيان والتوضيح. Et puis Cheikh termine par الدعاء كفارة المجلس. Il dit سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc qu'est-ce que Cheikh nous dit? Il dit l'imam Ahmed, la parole de l'imam Ahmed رحمه الله qu'Allah lui fasse miséricorde, au sujet de la prédestination. Et qu'il ne se dispute avec personne, et ne débat avec personne, et ne débatte avec personne, et n'apprenne pas à débattre. Puis Cheikh, il dit, par rapport à cette parole, parmi les petits étudiants en sciences islamiques, il y en a qui vont débattre avec les rawafid, d'accord, les rawafidites, au sujet de la prédestination, et avec les jahmites, et avec les mu'tazilites. Il débat avec eux au sujet de la prédestination. Il débat avec eux sur ces sujets. Cheikh, il dit quoi? Ne t'expose pas aux ambiguïtés et à la perdition. Mais le savant qui est compétent, alors tu te poses la question toi-même, hein, faut pas aller chercher loin, tu te dis, Cheikh, il a dit le savant compétent, est-ce que je suis savant? Non. Est-ce que je suis compétent? Non. Donc est-ce que je débat? Non. C'est clair. Hein? Peut-être qu'il y en a qui se croient savants, ça c'est autre chose. Hein? C'est une blague marseillaise, ça ou quoi? Hein? C'est ce que vous dites à Marseille? Ah, ok. Mais le savant qui est compétent, qui sait qu'il bénéficiera autrui par ce débat. Regardez les conditions. Savant, compétent, qui sait qu'il bénéficiera autrui par ce débat. Soit qu'il rende les gens de la sunna victorieux et qu'il détruise les gens du faux, soit qu'Allah guide celui avec qui il débat. S'il cherche la vérité, il la lui clarifie. Tandis que toi, le petit, le miséreux, le faible, ne débat pas. J'insiste sur ce point. Je parle d'un savant qui sait ce qu'il dit. Qui est savant, qui est compétent. Hein? Il sait ce qu'il dit. J'insiste sur ce point avec les étudiants en sciences islamiques, que tu ne débattes pas au sujet de ces grandes innovations. C'est-à-dire que dans les choses que tu connais et dans les limites de ta capacité et que tu maîtrises parmi les choses normales, alors il n'y a pas de mal. Si ce n'est pas pour juste débattre et gagner, mais seulement si l'intention est de clarifier et d'expliquer. Et on connaît des cas, ce pas des cas juste théoriques. On connaît des gens qui étaient salafis, mais sans connaître vraiment bien la salafie, qui n'avaient pas écouté, hein, qui n'avaient pas étudié la sunna en détail, etc., qui n'étaient pas enracinés dans l'aqida, dans la science de l'aqida, ils sont partis quoi? Débattre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se retrouvent à Sha'ari. Wal'adhu billah. Ils ont délaissé la croyance des gens de la sunna, la croyance du prophète, alayhi salatu wassalam, et des sahaba. Ils ont même de la guider sur la voie de la sunna qui les ont suivis. Pourquoi? Pour prendre une croyance des gens de l'innovation, l'aïdou billah. Hein? Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous affirmisse ani, sur sa voie. Wa jazakumullahu khairan. Wa subhanaka allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.